la forêt, au pays des lutins, vivait en secret un vieux magicien. Dans les grimoires de son laboratoire, cherchait la formule qui ferait sa fortune. Le magicien de la rue des fées n'a pas trouvé depuis ces années la formule secrète pour ensorceler les lutins et les elfes qui dansent devant sa maison. Une goutte de la fontaine enchantée, deux, trois cailloux ramassés en été, un arc-en-ciel de cuillères de miel et la musique d'une cigale électrique. Le magicien de la rue des fées n'a pas trouvé depuis ces années la formule secrète pour ensorceler les lutins et les elfes qui dansent devant sa maison. Au loin le chant du vieux magicien, sous les feuilles d'un grand chêne endormi, les lucioles se moquent bien de lui. Le magicien de la rue des fées n'a pas trouvé depuis ces années la formule secrète pour ensorceler les lutins et les elfes qui dansent devant sa maison. Un beau soir, tu voulais aller voir, je t'en prie, ne fais pas trop de bruit, écoute simplement ce que te dit le vent, et tu entendras les secrets de ce bois. Le magicien de la rue des fées n'a pas trouvé depuis ces années la formule secrète pour ensorceler les lutins et les elfes qui dansent devant sa maison. Le magicien de la rue des fées n'a pas trouvé depuis ces années la formule secrète pour ensorceler les lutins et les elfes qui dansent devant sa maison.